així hem escoltat aquestes tres cançons. De fet, són els tres senzills oficials que van sortir d'aquest disc de les As, que avui recordem, aquest Recto Verso, el disc que es va publicar el 2013. Un àlbum que cobria les seves portes amb aquest Onival, primer tema que hem escoltat, aquest Anirem, i que va ser un senzill realitzat al març del 2013. Va debutar bastant bé i va arribar a ser un número 12 a França, el seu tema de més èxit fins al moment. El C va ser realitzat el 14 d'octubre del mateix en 2013, una cançó d'en Jack Jackson Goldman, i aquest darrer, el Gamina, va ser realitzat el març de 2014, un any després, la cançó d'en Miquel Fournon. Hi havia una cançó que va ser prevista com a segon senzill, fins i tot es va arribar a realitzar un videoclip promocional, però finalment va ser desaconsellada i es va extreure el sí. És el darrer tema que recordarem d'aquest àlbum de les As, una cançó que es digui Com si com sa i que escoltem també a través del nostre programa de Oh La La Music. On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi tout simplement. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper au rêve des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mente pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. C'est assez, c'est ainsi, c'est comme si, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi. C'est comme si, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme si. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si, comme si, comme ça. Comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien de suivre mon chemin et de croire en mes mains? Seguim amb la música que ens porten altres artistes, en aquest cas amb una cantant nascuda el 28 de setembre del 1982 a Finisterre. És Nolwenn Leroy, és cantant i compositora i una artista revelació del popular reality show de la televisió francesa Star Academy l'any 2002, més coneguda per els seus senzills que sé i Nolwenn Leroy. Eren temes que escoltàvem i que podríem recordar amb el programa d'avui, però ens aturarem amb l'àlbum d'aquest artista que va publicar l'any 2012, Les filles de l'aigua, es deia aquest disc. Quand on souffle sur les braises, voilà que le vent rôde, tourne contre la falaise, que la marée taraude. Ce ne sont pas des larmes, ni même de la rosée, que mon visage réclame. réclame juste un peu de buée, un peu d'eau et de sel, juste pour me souvenir que derrière les nuages du ciel se cache ton sourire. Juste un peu d'eau sur les lèvres, juste pour me souvenir de ce dernier baiser amer, juste avant de t'enfuir. Dis-moi juste que tu es ici, sous l'océan, dans les bras d'une sirène qui te chantera toute la nuit, te chantera toute la nuit. Je marche sur la grève où les bateaux s'échouent, mais jamais la marée mène nos hommes jusqu'à nous. Le vieux phare allumé, tranchant comme une lame, me rappelle que Zinka avait laissé chez lui sa femme qui marchait dans le sel, juste pour se souvenir que derrière les vagues du ciel se cachait son sourire. Juste un peu d'eau sur les lèvres, juste pour me souvenir de ce dernier baiser amer, juste avant de t'enfuir. Dis-moi juste que tu es ici, sous l'océan enfoui, dans les bras d'une sirène qui te chantera toute la nuit, te chantera toute la nuit. Francesa, però sí, òbviament, s'ha de dir que és bretona, bretona de cap a peus, i ella, doncs, tampoc se n'ha amagat mai. Nolwenn Legoy, el nom Nolwenn és típic també d'aquesta manera. Va guanyar la competició, abans ho hem dit, a Star Academy el 2002, i va debutar amb el seu primer àlbum l'any següent. Els seus primers àlbums van ser molt ben rebuts, publicat també als Estats Units, on van tenir molt d'èxit. El primer, Nolwenn, va ser número 1 a França i a Bèlgica, i després els següents àlbums no van estar gens malament fins a arribar a l'àlbum Breton del 2010, que es va titular als Estats Units Nolwenn, número 1 també a França i a Bèlgica, i que als Estats Units va arribar a ser un número 10 també a Corea, al Quebec, Alemanya, Suïssa. Va ser molt apreciat aquest àlbum. Aquest va ser el que estem repassant avui, el 2012. La continuació, Les filles de l'aigua, número 5 a França i a Bèlgica, amb aquests senzills que ens ha portat els dos primers que es van extreure. Un número 13 a les llistes belgues va ser aquesta cançó que acabem d'escoltar, Just to Pull Me Souvenir. Després van sortir el sisième continent i dues cançons més, que són les que també escoltarem amb el nostre programa. Quatre temes del disc de la Nolwenn per presentar-lo a tots els nostres oients de Hola la Music. Love. temps scarifié la dune. D'un plaisir dérobé, troublant et chaud. Je laisse couler les gars, ce moule d'Orient très lentement. Un par un quartz blond, sucre fin de l'écume, doux amer. Ne te moque pas, si j'ai volé le lit de la mer. Au bleu éteint. Je n'entends ni ne respire, les vagues se retirent sur l'oreiller blanc des abysses. Je peux me laisser partir. Aquestes han estat les cançons que ens portava aquesta molt bona artista, a la qual havíem descobert amb un disc recopilatori que us havíem ofert i que es deia Els en Bàrbara, Nolwenn Leroy, de la qual, sens dubte, escoltarem molta cosa més d'aquí en endavant perquè hem buscat la seva discografia i la tenim gairebé completa i, per tant, us anirem oferint també els seus àlbums des del primer, des després de guanyar Star Academy. Ara és el moment, després de dues veus femenines, les As i la Leroy, escoltar a l'Àngel Rodríguez. Ell ens portarà un artista ja conegut amb el nostre espai, però aquesta és la seva recomanació d'aquesta setmana. Benvingut, Àngel. Sali a tothom. Salutacions cordials. Com estem? Gràcies, Rafael, un cop més per convidar-me. Ara fa uns 9 programes, més o menys, teníem amb nosaltres a Candy Girac amb la cançó Maria Maria, un supervendes del 2018. Es tracta d'un gitano català que va néixer a Périgord, a la regió francesa de la Nova Aquitània, l'any 1996, i que va guanyar el concurs de la veu l'any 2014 que organitza el primer canal de la televisió francesa. Doncs bé, avui us convidem a escoltar el seu èxit Elle m'a aimé, publicat l'any 2014. Fixeu-vos que té un fet molt, molt, molt curiós. Comença amb una conversa en català i el videoclip és enregistrat a Barcelona. Amb vosaltres, el nostre bon amic Candy Girac i Elle m'a aimé. Desanimat. Què et passa? Aquest temps em fa recordar aquesta noia. Oblida-la, eh? Oblida-la ja. No puc. És difícil. Aquesta noia em mata. Je crois que j'étais bien trop lâche pour lui dire adieu les yeux dans les yeux, parti sans même prendre bagage, pensant faire ce qui était mieux. Je fais toujours ce même rêve, je me vois remonter le temps, revenir à nos plus belles balades, tous les deux sur les quais, les yeux vers l'horizon. Souvenir au goût amer, caresse mes doutes plus sensibles, sachant que mes actes d'hier restent à jamais irréversibles. Je sais que je n'étais pas pour elle. Pourquoi me manquerait-elle autant? Son cœur entre les mains. Je l'ai revue 2 ans plus tard, maman d'une jolie petite fille. J'ai compris qu'il était trop tard. dans ses yeux cette lumière qui brille. Elle m'a dit faire ce même rêve, se voyait remonter le temps, revenir à nos plus belles balades, espérant que je revienne un jour à la maison. Elle m'a aimé de tout son amour, de tout son cœur. Elle m'a donné tout ce qu'elle avait quand je n'étais rien. Qu'est-ce que j'ai donné en retour? Je n'ai causé que du chagrin. Elle qui ne rêvait que d'amour, j'avais son cœur entre les mains. Així hem gaudit de la seva música, és el tema que ens portava en Kenji Girac, la recomanació d'aquesta setmana de l'Àngel Rodríguez. I quina més recomanació podem tenir nosaltres? Doncs un artista nascut a Itàlia, a Reggio Emilia, el 2 de maig de 1922, i que va morir a França a l'edat de 82 anys, el 2004, cantant, actor i pintor, que va debutar l'any 1940, un personatge d'aquells que va triomfar també en el món del teatre i en el món del cinema, però també en la cançó. Avui l'escoltarem recordant cançons d'aquest artista amb Ma Liberté del 1963. Parlem d'en Serge Reggiani. Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. On allait n'importe où, on allait jusqu'au bout des chemins de fortune. On cueillait en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, ma vie était soumise. Ma liberté, je t'avais tout prêté, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire toutes tes exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer mes moindres habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Jolière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle Jolière. Je t'aimerais même avec la gueule de travers. Je t'aimerais même en mec, même en militaire. Je t'aimerais même avec une bosse dans le dos, même avec un bec, même avec des crocs. Je t'aimerais n'importe où, n'importe comment. Je t'aimerais même si tout d'un coup je pouvais faire autrement. Je t'aimerais même sans charme, même sans ce sourire qui me fout des larmes au milieu des rires. Je t'aimerais l'air de rien, au-delà de tout. Je t'aimerais rage au poing, je t'aimerais corps de cou. Je t'aimerais marabout, je t'aimerais bout de ficelle. Je t'aimerais même si tout à coup t'étais plus la plus belle. Je t'aimerais si l'amour était abrogé. Je t'aimerais si la douleur passait à Angers. Je t'aimerais toujours trop, mais jamais assez. À en devenir beau, à ne pas m'en vanter. Je t'aimerais dans la boue, je t'aimerais en enfer. Je t'aimerais même si tout d'un coup j'avais autre chose à faire. Je t'aimerais même anglaise, même en couronnée, même en Sainte-Thérèse, même désincarnée. Je t'aimerais même en toc, en n'importe quoi. Je t'aimerais même en loc, mais ça risque pas. Je t'aimerais à genoux, moi qui ne prie jamais. Je t'aimerais même si tout d'un coup tu me disais que tu m'aimais. Je t'aimerais même avec la gueule de travers. Je t'aimerais même en mec, même en militaire. Je t'aimerais même avec une bosse dans le dos, même avec un bec, même avec des crocs. Je t'aimerais n'importe où, n'importe comment. Je t'aimerais même si tout d'un coup je pouvais faire autrement. Personatge destacadíssim, considerat com un dels millors de la cançó francesa, va protagonitzar més de 80 pel·lícules, una d'elles al costat de Paul Newman i Sidney Poitier en el film Paris Blues, que va ser filmat a París, això va ser l'any 1961. Un personatge que també va tenir molts problemes amb la beguda, amb l'alcoholisme, la depressió, sobretot a partir del 1980, amb el suïcidi del seu fill. Va protagonitzar dues reentrades en el món musical, un l'any 1965, a l'edat de 43 anys, amb l'ajuda de Simon Signoret i també del seu marit Yves Montand, i després amb la cantant francesa Bàrbara. Va ser un dels artistes més aclamats de la música francesa, tot i estar més amb els seus 40, i la seva música arribava tant amb els nois i noies més joves i també amb els més grans. Cançons fantàstiques que varen també tenir la seva reentrada, com va retornar al món de la música l'any 1995, durant una sèrie de concerts, tot i la seva salut bastant deteriorada i els seus problemes personals. Va morir un dia després de la mort d'una altra ben coneguda cantant francesa, la Sacha Distel. Va morir doncs pràcticament el mateix dia, l'endemà. Escoltem més cançons d'en Serge Reggiani. Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on est des fortiches. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur rappliquait en murmurant sa cloche. Je sais pas où il est passé. Arthur, où t'as mis le corps quand c'était crié en cœur? Bah, je sais plus où s'est foutu le mec. Arthur réfléchit non de là, c'est une certaine importance. Que c'est qu'il est mort? T'as les gars, je vous le garantis. Mais bon, ça en fait trop fort, je me rappelle plus où Dieu je l'ai mis. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic aux trousses, on a trouvé moins bonne. On a loupé un tournant, et on se retrouve en plein, au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas, et puis ils nous cuisinent. Dans la petite pièce du bas, oh ya, oh, oh. Arthur, où t'as mis le corps? Murmuraient les inspecteurs. Bah, je sais plus où je l'ai foutu, les mecs. Arthur réfléchit, non de là. C'est une certaine importance. Que c'est qu'il est mort, ça? Ah, ça, il est mort, ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort, je me rappelle plus où que je l'ai mis. Alors, comme ça, y'a plus de preuves, hein? On a écopé 10 ans. C'est plus que suffisant pour apprendre la belote. On pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheureux pote. Comme il maigrissait beaucoup, on cognait plutôt mou pour pas trop qu'il s'étiole. Mais en nous-mêmes on pensait, Arthur se paye notre fiole. Il nous fait tous marcher. Tu vas causer, oui, Arthur, où t'as mis le corps? tous les jours on lui demandait Arthur, Arthur il en est mort. Il en est mort et on sait pas où il est passé. Non, j'ai misère, Arthur, c'est pas ça. Oh, Arthur, oh. Alors mes enfants, votre copain Arthur, où l'avez-vous mis? Dites-le, dites-le à votre bon petit directeur. Hein? Aucun nous ne se rappelait plus ce qu'on avait foutu de cette Arthur de merde. Et le directeur Furax attrapait les anthrax à l'idée qu'ils se perdent. On a fait venir un devin qui lisait dans les mains et même dans les oreilles. Mais comme tout ça donnait rien, un beau soir on essaye. Le spiritisme ancien, l'ancien est pas nouveau parce que nouveau, ça tourne les enfants, ça tourne. Arthur, es-tu là? Oui les gars. Arthur, où t'as mis ton corps? J'ai plus de corps les gars. Arthur, as-tu du cœur? Belote les gars, rembolote et dix de deux. Et comme ça on a compris que ce putain d'Arthur était au paradis. Ma che sta facendo il barrile? Vieni qua che ne faccio vedere, Arturo. Mannaggia miseria, ma che sta facendo? Són les cançons d'en Sergi Reggiani, 1963, l'àlbum La Ma Liberté, que avui hem volgut recordar a través d'Hola La Music. Qui a perdu une carte postale de l'île dorée, un gant blanc pour une main petite, une clé, un phoné, une photo avec écrit au dos Marguerite, un éventail, une poupée en robe du soir, une montre qui marque minuit moins dix, une médaille du travail, un dollar, une raquette de tennis, un bas noir. Qui a perdu? Je travaille aux objets trouvés. Qui a perdu son mystère? Une occasion de se taire, une caresse, une bataille, une idée, ou sur un coup de dé, sa jeunesse, ou sa mémoire, un visage dans un miroir, qui a perdu un regard, un adjectif quelque part, dans une lettre, un cri à une fenêtre, un prénom commençant par Marie. Qui a perdu une carte postale de l'île de Ré, un gant blanc pour une main petite, vite vite un chapelet, un bracelet avec écrit autour mon amour. Qui a perdu? Je travaille aux objets trouvés. Qui a perdu l'habitude? L'habitude d'être aimé. Et alors? Qui a perdu le nord? qui a perdu le sud. Ou encore une histoire, oui. Moi j'ai perdu mon histoire. Un visage, oui. Un regard. Ma main sur une main petite. J'ai perdu mon cœur, mon sang, ma vie. Un prénom commençant par Marie. Marie, Marie, Marie, Marie. Marie. Marie, Marie, Marie, Marie. Marie. Un bon repàs a la música d'en Sergi Reggiani, la que ens ha acompanyat en aquests minuts, un espai avui ens has, en Noel Leroy i en Sergi Reggiani, també la col·laboració de l'Àngel Rodríguez amb en Kenji Girac. I ara, per acabar, per arribar fins al final del programa, un parell de temes que ens arribin des d'un àlbum que ja havíem repassat fa setmanes amb el nostre programa de la Music, però ens havien quedat moltes cançons pendents. Era Estimem a Disney, We Love Disney, amb el seu segon volum, les cançons en francès de les pel·lícules de Disney. Una d'elles la cantava la cantant de Carcassona, nascuda el 1980, Olivia Ruiz. Els seus pares, aquest nom, provenien de l'estat espanyol. Les Aristocats. Quels sont les chats qui habitent les grands quartiers? Quels bominets ont le plus grand pédigré? Quels chouchous dans la soie se prélassent? Naturellement les Aristocats. Quels doux mimis ont des profils de Joconde? Quels chats trésors savent se tenir dans le grand monde? Très gourmets, refusant les ersatz. Mais naturellement les Aristocats. Aristocats ils sont toujours, même quand ils font un petit tour, toujours précieux là où ils vont, ils sont fiers de leur éducation. Dédaignant les ruelles, ils préfèrent les bars aux poubelles, dont se contentent trop vulgaires les chats de gouttière. Oh, pouah ! Quel miaou réprouve les gros mots. Quel chat chouchou s'estime sans défaut. Et devant qui les autres chats tirent leur chapeau. Mais naturellement les Aristocats. Même quand ils font un petit tour, toujours précieux là où ils vont, ils sont fiers de leur éducation. Dédaignant les ruelles, ils préfèrent les bars aux poubelles, dont se contentent trop vulgaires les chats de gouttière. Oh, point. Quel miaou réprouve les gros mots. Quel chat chouchou s'estime sans défaut. Et devant qui les autres chats tirent leur chapeau. Mais naturellement, oui naturellement, voyons mais naturellement, les Aristocats. Les Aristocats, Olivia Ruiz ens aportava aquesta cançó, aquesta excel·lent intèrpret francesa d'arrels espanyoles. Renan Luz ens portarà també una de les seves cançons, nascut a París el 5 de març de 1980. També un artista que té molt a veure amb la Bretanya, on va viure durant molt de temps. Ens aportarà avui una altra de les cançons de Disney. Amb ella acabem el nostre programa per aquesta setmana. Salutacions de Rafael Corbia, ha estat Hola la Music, Thomas O'Malley, es diu aquesta peça. A reveure! J'adore manger de la paella ainsi que de la pizza. Mais je fais ronron devant un gros poisson. Oui, c'est moi le beau Walter Giuseppe Désiré Thomas O'Malley. O'Malley le chat de gouttière. Je suis un grand voyageur, jouant la fille de l'air, goûtant la complice fraîcheur de l'herbe printanière. J'adore aussi me balader dans les rues de ma cité. Ouais. À tous mes frères de l'élite sociale, comme aux petites minettes pas trop mal, je proclame. C'est moi le beau Walter, Joseph Désiré, Thomas O'Malley. O'Malley le chat de gouttière. Je suis roi de la rue, je fais ce qui me convient. Je raffole d'imprévus, la planète m'appartient. Et si votre route est mon but, votre chance est unique. Calcutta ou Rome, je suis votre homme. N'est-ce pas magnifique? Qu'en dites-vous? Si je n'ai que mes rêves, je vis heureux comme ça. Quand je vois la chance qui se promène, je lui fais signe du doigt. À quoi bon me préoccuper du chemin que je dois emprunter? Où qu'il veuille aller, je saurai l'aimer. Aussi n'allez pas vous inquiéter pour moi. C'est moi le beau Walter, Giuseppe Désiré, Thomas O'Malley. O'Malley le chat de gouttière, c'est vrai. Et ça j'en suis vraiment fier, ouais.